Alors on commence. Alors juste pour le protocole, quel est ton nom et quelle est ta profession? Je m'appelle Jaime Calvé et je suis interprète. D'accord. Et d'où viens-tu alors? T'as grandi où exactement? Je suis d'origine espagnole, mais j'ai grandi à Paris. D'accord. Et comment est-ce que tu es devenu en Suisse? Je suis arrivé en Suisse en 1985. 85, d'accord, ça fait 31 ans maintenant. 31 ans. D'accord, ok. Et pourquoi t'as pris la décision de devenir interprète? J'ai toujours aimé les langues, mais c'était un peu par hasard. J'aurais pu étudier autre chose aussi. L'histoire m'intéressait beaucoup. Mais je suis tombé sur les langues un peu par hasard. D'accord. Et c'était des études d'interprète ou t'as fait des études de langue ou ça s'est passé comment? Alors tout d'abord, des études de traduction, 4 ans. Et après, 2 ans de plus pour l'interprétation. D'accord. C'est une sorte de spécialisation après. Oui. D'accord. Et c'était à Paris, ça? Non, c'était à Zurich. Ah, à Zurich déjà, ok, d'accord. Et t'avais quel âge là à l'époque? T'avais 20 ans à peu près? Un peu plus, parce que j'avais déjà travaillé avant. D'accord. J'ai commencé les études à 26 ans seulement, ou environ, oui. D'accord. Qu'est-ce que t'avais travaillé avant? J'avais travaillé dans la construction. J'avais d'abord fait une formation dans la construction, dessin industriel et maçonnerie. C'était un mélange de plusieurs choses. D'accord, ok. Mais ça, c'était à Paris encore? Ça, c'était en France. Pas à Paris, mais en France. D'accord, ok. Okay. Et quelle langue parles-tu maintenant? Je parle français, anglais, allemand et espagnol. D'accord. Voilà, être interprète, ça veut dire quoi exactement? Alors, quels sont les différents travaux que tu fais tous les jours? Alors, l'interprétation simultanée, c'est traduire dans des conférences, des symposiums, des colloques. C'est tous les thèmes et toutes les versions possibles. Et donc, simultané, ça s'appelle comme ça? Simultané, traduction, interprétation, c'est une traduction simultanée dans une cabine. D'accord. Et ça se passe comment? C'est seulement pour 20 ou 30 minutes de suite, c'est ça? Nous travaillons à deux, par version, et nous remplaçons toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, d'accord. Et après ces 30 minutes, t'es crevé, je pense. Ça doit être crevant. Après, il faut 30 minutes pour récupérer, et on refait ensuite 30 minutes. D'accord, après les 30 minutes, c'est le collègue qui... Qui reprend. Qui reprend, d'accord, ok. Pour le simultané, c'est pour toutes les langues que tu parles? Oui, je traduis principalement en français. Alors, je traduis généralement d'allemand en français, d'anglais en français, d'espagnol en français. D'accord. Donc, on traduit toujours dans la langue maternelle, alors? Pas toujours obligatoirement, mais principalement, oui. C'est plus facile que l'anglais? Oui, c'est plus facile. Ah ouais. C'est plus facile. D'accord. C'est aussi une question d'habitude. D'accord, ok. Les conférences, elles sont où? C'est dans toute l'Europe ou même outre-mer ou... Alors, auparavant, j'ai travaillé aussi à l'étranger. J'ai travaillé quelques années au Conseil de l'Europe. Mais maintenant, je travaille pratiquement presque à 100% en Suisse. Ah, ok, d'accord. Donc, tu vas aux conférences en Suisse alors? Oui. D'accord. Et à part des conférences, tu fais aussi des traductions ou des... Oui, Je fais aussi des traductions écrites, pareil, pour les mêmes versions, généralement en français. D'accord. Et c'est quoi? C'est des... pas des livres, je pense. Des documents. Des documents. Des contrats ou... Ça peut être tous les sujets. Ça peut être un règlement, ça peut être un discours, ça peut être des lettres, de la correspondance... oui, des contrats aussi, et sur tous les sujets. Ou alors simplement traduire aujourd'hui un site internet. D'accord, okay, langue. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de domaine particulier où l'on ne traduise pas. D'accord. Donc tu fais ça de, enfin, dans la, chez toi, quoi, dans la maison. Oui, ça c'est un domicile, oui. Ok. Et est-ce qu'on se... spécialiste sur certains sujets, donc enfin je sais pas, des contrats ou c'est je pense que les romans par exemple c'est encore autre chose, traduire des romans. Oui, ça c'est autre chose, et en règle générale c'est une autre raison pour laquelle on traduit les romans ou non, c'est que la traduction littéraire est nettement moins bien payée que la traduction commerciale. D'accord. Donc beaucoup de traducteurs qui veulent correctement gagner leur vie font de la traduction commerciale. La traduction littéraire est bien moins payée. Donc c'est les gens qui font ça comme loisir plutôt. Alors il y a les deux. Ils ne doivent pas gagner leur vie. Oui, alors il y a plusieurs catégories. Il y a par exemple les femmes dont le mari travaille déjà et qui n'ont pas besoin d'un salaire important. Des enseignants qui travaillent, qui ont un emploi de professeur et qui en plus font des traductions, ou alors des traducteurs littéraires qui ne font que cela, mais comme je le disais avant, il faut vraiment traduire beaucoup pour bien gagner sa vie. On le sait, la traduction littéraire n'est pas très très bien payée. Mais dans le commercial, c'est bien payé. Oui, oui, okay. Alors, moi, je parle de la Suisse, je ne sais pas comment c'est dans notre pays, mais en Suisse, c'est assez bien payé. Et tu travailles à 100%? Oui, à 100%. Oui. Quand même, ok. Et tu as, je sais pas, un sujet que tu préfères de traduire ou une matière que tu préfères? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment, ok. Non. Plutôt un style d'écriture, mais pas tellement le sujet. Comme par exemple beaucoup de textes que nous recevons ne sont pas très très bien écrits. Et c'est fatigant de traduire des textes qui ne sont pas très bien écrits. Pourquoi ils ne sont pas bien? Parce qu'ils ont déjà traduit? Non, c'est simplement parce que beaucoup de gens ne savent pas s'exprimer correctement à l'écrit et il faut deviner ce qu'ils ont voulu dire. Même, d'accord. Alors, parfois oui. Ou alors, ce n'est pas clair, c'est flou, la syntaxe est mauvaise. D'accord. Et normalement, un texte bien écrit se comprend tout de suite. Il ne faut pas réfléchir pour comprendre. Et malheureusement, beaucoup de textes ne sont pas très très bien écrits. Même les, je sais pas, enfin, des contrats par exemple, il me semble important qu'ils sont... au moins écrit précisément, quoi. Oui, les contrats, en général, s'ils ont été rédigés par des juristes, ils sont mieux rédigés que les autres. Et cela se remarque après, quand tu les traduis. Oui, cela se remarque. Ah. Et eux, ils contre-lisent ou... Tu vois ce que je veux dire? Alors, le relire... Ouais, parce que ça demande la précision, je pense, spécialement dans les contrats. Parfois, oui, mais ils n'ont pas toujours non plus les capacités pour contrôler. Ok. Enfin, capacité langagière. Oui, c'est ça. Temporelle. Non, c'est surtout le langage. Beaucoup n'ont pas les moyens linguistiques de comprendre ou de comparer les deux textes. D'accord. Donc, ils doivent, d'une certaine manière, quand même faire confiance au traducteur. D'accord. Et ça t'a jamais... c'est toi qui es responsable après ou c'est comment ça se passe? Alors, je ne sais pas vraiment parce que je n'ai jamais eu de cas de responsabilité. La seule chose que les clients pourraient dire, c'est ce n'est pas bon, je ne vous paye pas. Ça arrive? Moi, personnellement, non, mais c'est peut-être déjà arrivé. Et c'est acceptable. S'il dit ça, tu peux rien faire ou... Pas vraiment, mais bon, il faut qu'il le prouve. Mais ce qu'il peut faire aussi, par exemple, c'est de le refaire et réécrire en partie. Et dans ce cas-là, ils déduisent des honoraires ce qu'ils ont dû payer en plus pour la correction. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Ok, d'accord. Bon, alors je pense pour le moment, j'ai plus de questions. Alors, merci beaucoup pour cette petite interview. Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup.